Assieds-toi, regarde-moi, paralyse-toi sous ma lumière. Fixe-moi, dépends de moi, rassasie-toi de mes viscères. Zappez-moi pour vous, oubliez vos journées. Venez, je vais vous apprendre à penser. Détends-toi, repose-toi, avachis-toi comme tous tes frères. Obéis-toi, obéis-moi, vis pour moi des journées entières. Zappez-moi pour vous, oubliez vos journées. Je vais vous apprendre à penser.